Mm-hmm. qu'elle est là. Un paquet. Ça, cet ordinateur. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Mais je vois plus les mesures. Merde. I can't believe the news today. Oh, I can close my eyes and make it go away. Bière. Santé. Il n'y a pas de batterie. Il est où le batteur? Salon, c'est santé en chinois, en japonais. Salon. Oh, c'est une bière. Là. C'est une bière premier prix. J'ai goûté une bière il n'y a pas longtemps, mais je la connaissais pas. La Ruby. La Lef Ruby. C'est spécial. Mais non. Il n'y a que moi qui picole dans la famille. C'est mieux avec le son. Je me prendrai pas un pack de Lef Ruby, hein. C'est un peu écœurant, c'est bon, mais c'est un peu une bière de bronze. Je vais faire la Lef Ruby. J'aime pas ça. Mais j'aime bien les bières d'abeille. Sur les instruments, sur les amplis, ça va pas bien avec les amplis, les bières renversées. Thank you.